7-21. Observation, interrogation, trois formes interrogatives. Déclaration, il est sportif. Interrogation, il est sportif? Est-ce qu'il est sportif? Est-il sportif? Les phrases 1, 2 et 3 sont interrogatives. Elles sont équivalentes, elles ont le même sens. Elles représentent trois formes différentes d'interrogation, trois façons différentes de poser la même question. Dans la forme 1, la phrase est identique à la phrase déclarative. L'interrogation est marquée seulement par l'intonation. Le ton de la voix monte à la fin de la phrase. Dans la forme 2, la phrase est identique à la phrase déclarative, mais elle est précédée par « est-ce que ?» et l'intonation est montante comme dans 1. Dans la forme 3, il y a une inversion. L'ordre du pronom sujet et du verbe est inversé. Le pronom sujet est placé après le verbe. L'intonation est montante comme dans 1 et 2.